D'anciens temps et des fleurs arctiques. Elles n'existent pas. Douceur et, presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, au-dessus du niveau des plus hautes crêtes. D'anciens temps, d'anciens temps, les couleurs propres de la vie se foncent, dansent et se dégagent, les ambitions continuellement écrasées. Et qu'il sera donné à l'être sérieux de surveiller. Départ dans l'affection et le bruit neuf. D'anciens temps. Tout se fit ombre et aquarium ardent. Des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Quel bon bras, quelle belle heure me rendront cette région. Et l'océan frappé. D'anciens temps. D'anciens temps et des fleurs arctiques. D'anciens temps. Elles n'existent pas. Douceur. Et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, au-dessus du niveau des plus hautes crêtes. D'anciens temps.